la vérité. Pourquoi ne dis-tu jamais la vérité? La vérité. Je t'en prie ce soir, dis-moi la vérité. Je t'ai cherché dans les rues de la ville, mais c'est si grand la ville pour te trouver. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Oh, dis-moi la vérité. Encore une fois, dis-moi la vérité. La vérité. Car j'ai besoin de savoir la vérité. Mais hier soir, fatigué de t'attendre, j'ai quitté notre chambre pour te chercher. Te chercher. Je voudrais bien savoir où tu t'en vas. La nuit, j'ai traîné dans les bars où l'on boisson m'ennuie. La nuit, mais s'il était trop tard et tu étais parti, parti, perdu dans le brouillard, j'ai couru dans Paris. La nuit et toi, tu fuis. La vérité, mais je ne saurai jamais la vérité. La vérité, il ne fallait pas chercher la vérité. Je savais bien qu'il fallait que j'attende, qu'en voulant te comprendre, je te perdais. Vérité, tu ne me diras jamais la vérité. La vérité, tu t'en vas sans me dire la vérité.